Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Yes. D'aujourd'hui, Assemblage requis. Pour la première édition de la saison automne 2011 d'Assemblage requis, on reçoit Stéphanie Gagné avec ton plat favori. Et ça commence beaucoup trop tôt. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées, en temps direct des studios de CFO à Trois-Rivières, en ce mardi 6 septembre 2011. Et moi, c'est Mathieu Plante. Mathieu Plante. Ah, c'est François-Olivier. Mathieu Plante. Ah. Hey, ça fait du bien de se retrouver devant toi, en fait, derrière le micro. Ben, moi, devant mon idole, toujours, François-Olivier. Merci, merci. Donc, ce matin, hein, on est reparti pour la session. Oui, on est reparti. C'est-tu pas beau? C'est pas formidable? C'est un nouveau beat de vie à reprendre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce petit beat-là. François et moi, on a animé toute l'année passée. C'est la troisième année d'Assemblage requis sur les ondes de C'est fou. Évidemment, même pas besoin de le rappeler, mais je le fais quand même comme la, ça. La première année, en fait, c'était un retour à la maison. Oui, tout à fait, tout à fait. Quoi de plus fantastique de retourner à la maison avec Mathieu Plante? Ah ben, Colin, c'est trop sympathique. Mais là, les gens peuvent, comment je pourrais dire, peuvent apprécier davantage de se lever. Accompagné de Mathieu Plante. Et voilà. Mais on va faire comme on a dit, il y a un article dans le journal Zone Campus qui sort aujourd'hui là, qui dit qu'on va prendre plaisir à réveiller la population entière tout en essayant de nous réveiller nous-mêmes une fois en onde. Donc, on va les téléphoner. Et voilà, et voilà. Petite journée qui commence comme ça très tranquillement. On va y aller avec une petite pièce musicale pour se mettre vraiment dans le beat de la chose. L'année passée, on aimait beaucoup écouter du Karim Ouellet. Et pourquoi ne pas commencer l'émission avec une pièce assez calme de Karim, Voici le monstre. Sur C'est fou 89.1 FM, c'est la radio campus de Trois-Rivières. Et restez là parce que Stéphanie Gagné va être avec vous probablement tantôt. Et puis le tour du journal sur le campus. Oui, certainement. Voilà. Toi et moi. Moi. Ensemble. Ensemble. Ouh, il y a C'est un fait aussi aujourd'hui. Oh, je m'ennuie là-dessus. S'il y a un monstre sous mon lit, je ne dormirai pas. Je vais le prendre par les cornes et m'en faire un repas. Je n'ai plus peur de toi. Keeping my light down low. I'm not afraid of the dark no more. Oh, oh. Faut pas le réveiller. Mon squelette au placard, on oubliait. Changer ce monde un peu de musique. This is how we use it. How we usually do. Je ne dormirai pas. Je vais le prendre par les cornes et m'en faire un repas. Keeping my light down. I'm not afraid of the dark no more. Faut pas le réveiller. Mon squelette au placard, mes oreilles. Changer ce monde un peu de lumière. Tous les mains dans les airs. La terre tourne à l'envers. Je me couche à l'heure du vampire. Achever son empire à s'en déchirer le linge. Quand on s'endort, on oxe. Pousser dans des pensées comme mauvaise herbe et passer à l'action. Chasse même les sorcières. Put your lights out. Je connais quelques histoires de monstres à faire. Grimper la colère à mon rideau de fer. Donc, j'irai tirer sur le monstre avec Claude. Mais ne surtout pas le montrer, le monde parle trop. Come on. S'il y a un monstre sous mon lit, je ne dormirai pas. Je vais le prendre par les cornes et m'en faire un repas. Je n'ai plus peur de toi. Keeping my light down low. I'm not afraid of the dark no more. Oh, oh. Faut pas le réveiller. Mon squelette au placard, on oubliait. Changer ce monde un peu de musique. This is how we use it. How we usually do. Je ne dormirai pas. Je vais le prendre par les cornes et m'en faire un repas. Keeping my light down. I'm not afraid of the dark no more. Oh, oh. Faut pas le réveiller. Mon squelette au placard, mes oreilles. Changer ce monde un peu de lumière. Tous les mains dans les airs. La terre tourne à l'envers. Mama moi qui montre ça ne se peut pas. Malgré tout, mon avenir a trop de fond. We'll be right back. Jad Vangelin et la pièce Replace Me à Assemblage Requis au 89 FM, c'est fou. On parlait tantôt qu'on avait un gros plan pour l'émission d'aujourd'hui, comme toujours, mais on a un plan pour la session d'automne au complet, donc parlons-en. On a besoin d'assemblage. Oh, qu'on a besoin de morceaux. On a besoin de morceaux. C'est comme jouer au Jenga. Au Jenga? Tu sais, Jenga, c'est de sortir un morceau de bois, faut pas 14 de la tour, c'est con. C'est, okay. Je ne savais pas le nom. Non, mais c'est ça. Il y a un Jenga sur Donkey Kong, avec Mario et Donkey Kong, que tu tires sur des échafaudages. Tu sais, comme à l'arcade, là, non? Non. Je te perds, hein? Oui. D'accord. Donc, cette session-ci, à Assemblage Requis, je vais dire, croisière, là, sûrement pendant les deux ou trois premières semaines, parce que c'était le nom de l'émission cet été, je me trompe encore, qu'on est tôt le matin, c'est normal. Je te pardonne. Donc, Assemblage Requis, cet automne, on va avoir les lundis, une semaine sur deux, Marie-Pierre Laforge-Bourret, qui a connu avec moi tout l'été, en remplacement de toi-même. Qui va faire une chronique de livre. Oui, tout à fait, c'est la chronique littéraire de Marie-Pierre, tout ça parce qu'on n'a pas encore trouvé de nom. Je pense que là, c'est mais ça sonne bien quand même. Ah, faut que ça rime. T'as pas le choix de rimer. Oui, oui. Donc, l'autre semaine, une fois sur deux, on va parler du journal Zone Campus, qu'on va faire dans l'émission d'aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas d'émission hier. Exact. Voilà. Ensuite, les mardis, si tout va bien, on devrait avoir Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori vers les 8 heures. Attention, je vous dis ça dans deux secondes. Oui, à 8 heures tantôt. Une chance. Merci, Steph. Donc, ça, c'est sa chronique de coup de cœur, qu'ils soient musicaux, théâtraux. Bon, pas encore eu de pièce de théâtre. Non. De films, par exemple, qu'elle nous a parlé l'année passée. C'est vrai. Les condiments préférés dans un hot dog, les choses à mettre sur des rôtis, les crudités. C'est ça, les crudités. Oh, crudités. À 8h30, normalement, les mardis, on devrait avoir Émilie Gauthier avec sa chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Heure à confirmer, mais quand même, elle va être de retour. Jeudi. On va voir Simon Fitzby à 8h avec Phénomène. Cette année, Simon va élargir un petit peu son cercle, ses horizons. À la place de parler seulement de Phénomène du rock, de personnes, donc, il va aussi parler de choses musicales en général, des choses d'intérêt un petit peu plus généraliste sur la musique. OK. Plein de choses donc, en général. Pas nécessairement des artistes. OK. T'as des styles de musique, des trucs comme ça. Parfait. Toujours les jeudis à 8h30, François Landry avec Logo Cassis 101. On s'en rappelle, chronique fort intéressante qui nous parle de politique. Oui. François Landry, très calé dans le domaine. C'est un homme de connaissance. Ah oui. Et on l'apprécie. Et intéressant. Et c'est pour ça que Simon et François sont le même jour, parce qu'ils peuvent bâtir l'un sur l'autre. Simon vient faire des références dans la chronique de François. On aime ça, parce qu'il aime ça, lui aussi, la politique. Sinon, dans les gens avec des cases horaires à déterminer plus tard. Des gens? Oui, des gens. On aura évidemment Kiwan, l'ancien co-animateur de l'émission, va être de retour avec une case aléatoire. Lui, c'est quand ça lui adonne. Il est en grosse cavale. Il travaille fort. Il travaille en effet très fort. C'est rendu des graines de tournesol. Ah ouais? Son domaine maintenant. Il livre. Il livre. Dans la livraison toujours. Toujours un livreur, toujours avec une casquette. J'imagine. Il va perdre ses cheveux. Une moustache. Oui, c'est ça. C'est ça que ça cause. Ouais, je sais. Faites attention. Je te courais. Sinon, Vincent Gauthier avec sa chronique de sport, ça revient. Oui. C'est à confirmer aussi l'heure, la date. Ah, le reste de la liste, c'est vraiment à confirmer. Ouais. Mais ils vont tous être là, mais quand, on sait pas encore. Donc, Vincent Gauthier. Vincent 10%. Je sais pas si lui aime ça, mais moi, c'est le même que je l'appelle. C'est comme ça. Il a juste à vivre avec s'il aime pas ça. Ben, Caroline, c'est qui l'animateur de l'émission? C'est qui est en conseil? Hein? Bon. Nouvelle à vous annoncer. Breaking news. Pip, j'avais un petit board, là. Planche à son. Venons-en à la nouvelle. Myriam Fugère, tu la connais, l'émission de Danny Janvier. Elle fait une chronique culturelle à cette émission-là. Cet été, étant donné que Danny n'était pas là, je lui ai un petit peu emprunté ses chroniqueurs sur une laisse, un petit élastique qu'à la fin de la vie de croisière, on les renvoie là-bas. Mais Myriam m'a demandé, est-ce que je peux aussi faire une chronique dans ton émission? Aha! Et moi d'accepter, évidemment. Donc, quel jour, quelle heure? On ne sait pas encore. Mais Myriam Fugère, avec une nouvelle chronique, sa chronique culturelle, elle est dans l'émission de Danny comme toujours. On lui enlèvera pas son matériel, mais nous, on va avoir quelque chose de nouveau. Elle est bonne, elle. Oui. On l'aime. Très sympathique, excellente voix. Oui. On l'adore. Marc-Antoine Lavoie, que tu connais peut-être de l'ancienne émission de sport, L'inconduite de partie. Ben oui, certainement. Il va être avec nous pour une chronique, on sait pas encore sur quoi, lui non plus. Un gars de sport, j'imagine. Peut-être des sports. On a déjà une chronique de sport, mais on en aura deux fois. Ouais. C'est toujours bien d'avoir plus de sport. Ça serait le fun. Ensuite, notre ami Xavier. Antoor. Oui. Tu le connais? Oui. Oui, il va nous faire une chronique culinaire. Pour vrai? Oui, sur le thé et mets à manger avec le thé. OK. Ah, j'ai très très hâte d'entendre ça. Ici, live dans le studio? À l'émission. Peut-être par téléphone. On verra. Peut-être par courriel. Peut-être par courriel avec un Google Chat que je vais lire en direct sur Facebook. Hey, salut, man. Salut, ça va? Ensuite. Ensuite. Ça continue, hein, ouais, ça arrête pas. Vas-y. On a Maxime Pronovost. Oui. Maxime Pronovost qui a fait des chroniques à l'émission ici cet été, une fois de temps en temps. Il a même reçu en entrevue City and Color à notre émission. Okay. On devrait l'avoir une fois de temps en temps pour parler de différentes choses qui l'intéressent de musique. Parfait. Voilà. Donc, c'est la liste des chroniqueurs pour cet automne. Ça va être bon. Ah, ça va être la meilleure émission, la meilleure session qu'on aura jamais eue. Ça va être bon, ça va être beau. J'ai hâte d'avoir du nouveau matériel, des nouveaux chroniqueurs à harceler. À harceler. À chaque semaine, je viens de faire ta chronique. T'as-tu oublié ta chronique, mon ami? Donc, voilà, si vous voulez plus d'informations sur nos chroniqueurs, ce sera sur assemblagerequis.com. Pendant ce temps-là, nous, on passe aux activités du campus avec oui, François. Oui, et effectivement, on sait, en fait, l'université commence demain pour les étudiants réguliers. Mm-hmm. Par contre, les nouveaux étudiants rentrent aujourd'hui. Oh. Question, en fait, de s'intégrer, l'intégration. D'écouter Assemblage Requis sur le campus. Exactement, exactement. Je sais pas, en fait, s'ils sont tous levés. Mais j'espère. Bon, ouais, espérons-le, espérons-le. Un bon matin. Bon, maudit paresseux, sinon. Mais sinon, dépêchez-vous à vous lever parce que de midi jusqu'à 1h30, il y a le dîner de la rentrée pour les nouveaux étudiants. Nouveaux étudiants uniquement, là. Les étudiants qui étaient ici l'année passée, là, n'allaient pas là, pour avoir un dîner gratuit. Peut-être que ça va fonctionner, mais le but, c'est vraiment juste d'accueillir les nouveaux étudiants. D'ailleurs, excusez-moi, on va avoir le recteur par intérim, André Paradis, le doyen du premier cycle, Danny Desiroux, ainsi que le président de l'AGA UQTR, Hugo Maillot-Couture, qui vont dire quelques mots de bienvenue aux nouveaux étudiants. Mm-hmm. Tout ça, en fait, va se dérouler au CAPS, dans le gymnase 4 et 5, et c'est gratuit. Hein. D'ailleurs, Mathieu Plante et oui. moi-même, on risque d'être là aujourd'hui. Moi, je risque d'être là, mais toi, c'est... C'est certain, ouais. C'est ça. On va se faire un relais au pire, puis après ça, on sera ensemble pendant un bout. On verra bien comment ça va marcher. Exactement. Et pour le dîner, c'est des wraps. Ah oui, c'est rendu santé cette année. Oui, oui, ils ont remplacé les fameux hot dogs. Ils ont wraplacé. Ils ont wraplacé. les hot dogs par des wraps au poulet. Donc, ils voulaient prendre le tournage, un virage santé. Donc, oui, voilà, c'est une bonne idée. Oh oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Puis, dimanche. Qu'est-ce qu'il y a dimanche ici sur le campus, Mathieu? Qu'est-ce qu'il y a dimanche sur ouais. le campus? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Une excellente question. Dis-moi, c'est la course chiropratique, UQTR qui. Ben oui. Ben, qu'un. Donc, ça se déroule à quelle heure, Mathieu? C'est à. 8h30. 8h30, le 20h30 le soir. Non, soir. Non, 8h30. Le matin. Ben oui. 8h30, ben oui. C'est ça, je savais. Ça se déroule aussi au CAPS. Donc, c'est la 27e édition déjà. Et c'est le dimanche 11 septembre, ici même au CAPS. Il y a plusieurs parcours hein, pour que ça soit débutant, intermédiaire, avancé. Donc, y a-tu poche? Poche, ben ça rentre dans débutant. OK. C'est remplacé. Mettons que... Il a remplacé le mot poche par débutant, mais c'est pas vrai. En fait, on n'a pas le droit de dire poche parce non. que. Non, on ben, va moi, à son moi, je me le dis. Mais tu peux pas être poche. Non, mais tu sais, le jeu sur Internet, Coop, là, que tu marches en faisant aller le genou puis le pied indépendamment. Hein. Non, t'as pas vu le jeu là? Non, c'est quoi? Ça j'imagine que j'espère que certains comprennent. C'est ça a l'air de moi quand je cours. Mais c'est quoi? Faut que tu bouges là? C'est que tes lettres QW, O et P sur ton clavier hein, font indépendamment bouger les pieds et les genoux oh, de ça ton doit bonhomme. Être dur quand même. Oui, c'est vraiment une affaire de coordination. C'est incroyable. Mais une fois que tu l'as, ça doit une fois que t'es dans le beat, j'imagine, dans le rythme. Ça doit être possible. Oh, merveilleux, merveilleux. Donc, c'est sur plusieurs parcours de 1, 5 ou 10 km. Donc, peut-être que Mathieu pourrait emprunter le 1 km oui. si ça lui tente de se lever à 8h30 dimanche. Ça devrait être correct. Je devrais être dans le rythme qu'on vient d'apprendre le mot. Donc, c'est ça. Le but principal de cet événement, c'est d'amasser des fonds pour l'avancement de la recherche et de l'éducation en chiropratique. Donc, voilà. En fait, là, vous pouvez vous inscrire sur le site Internet de Chiropratique UQTR. Donc, voilà. Et puis, sinon, écoute, le reste, je vous en reparle la semaine prochaine. Oui, et tout un ça... Peu à chaque jour aussi. À chaque jour. Et tout ça va mener vers le grand party de la rentrée là, du 15 septembre, c'est jeudi ça. Prochain. Exactement, exactement. Bon party, d'ailleurs, cette oui. année. Grosse vedette. On aime ça. Est-ce que tu veux dire peut-être... Le premier mot, je pourrais dire le deuxième. OK, moi, je vais dire radio. Radio. Et l'âge. Diouf. Diouf, tu l'as eu quand même. Digit. 4. Hardy. Ah. Yes. Ah, on est bon, hein? Travail d'équipe. Hein. On est bon. C'est gratuit, c'est jeudi prochain, le 15 septembre. Pas celui qui s'en vient là, mais le jeudi prochain. Mais c'est gratuit pour les étudiants, faut le mentionner. Gratuit pour les étudiants, tout à fait. C'est à 20h30 au 10-12. On aura l'occasion de vous en reparler. Et si vous voulez plus d'informations, ageaqtr.org ou encore la page Facebook de l'AGAUQTR. Merveilleux. Voilà. Ça va être bon. Ça va être excellent. Nous, on retourne en musique avant de passer à d'autres choses, dont le tour du journal Zone Campus. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Oui. Et on a aussi la chronique C'est un fait. Pou, pou, pou, pou, pou. Poupou, je sais pas. Poupou dans la face. Poupou, non, non, non. Et on a Stéphanie Gagné avec son plat favori. Oh, à 8h. Voilà. Plat favori, crunch, crunch, miam, miam, crunch, crunch, miam, miam. Voici C'est It des Beastie Boys. Bra, bra. Fais des bra, bro. J'ai essayé tout l'été, je suis pas capable. Fais-en autre. Bro. Ah! Vous êtes assez fou. Vous l'écoutez. 89.1. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. J'ai ma name, wish work my tan. Shopping channel, vend des scam. Copy, call it, j'suis comme damn. Basically, so basic, so avec mes pennies, loafers. Mon parc et mes valises. J'dirais pas que j'suis pauvre, j'dirais plutôt que j'suis broke. Un gars, ça me coûte rien à me promener sur la côte. Moi j'aime les couchers de soleil, puis watcher les bateaux. Avec de l'easy listening jazz qui joue sur mon radio. Avec mes peines et l'eau. Le jour où j'fais en rien de gros, je m'achante pour des causes, j'mache croyant rien du tout. C'est la new edition, television, match le piano. Tout ça de monde qui sait, tout le monde croit qu'il faut. Tout ça de monde qui croit les histoires des matelots. Moi j'les ai trouvés sur le bout du chat en marchant sur la wall. Sont plus broke, mieux y habillé, marcher sur la haie. J'ai dit plus broke, mieux y habillé, marcher sur la wall. Plus broke, mieux y habiller, marcher sur la haie. J'ai dit plus broke, mieux y habiller, marcher sur la haie. Avec mes peines et l'enfant ou avec mes textes choux, je vais marcher sur la haie, ou je vais marcher sur la haie. Avec mes peines et l'enfant ou avec mes textes choux, je vais marcher sur la haie, ou je vais marcher sur la haie. Radio, radio et la pièce Deck Shoe. Assemblage requis. C'est très bon. Oh que oui. On aime ça. Si vous aimez Radio Radio, je vous conseille d'écouter le Dîner de cons parce que Danny aime ça aussi, donc il va sûrement faire jouer une couple de fois. Oui, mais oui, certainement. Et puis d'aller le voir en spectacle ici le 15 septembre. Jeudi dans une semaine et demie, mettons. Oui. À peu près. Oui. Ouais. On va faire le tour du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Et oui, cette année, c'est François et moi qui allons se partager la tâche de lire le journal. Hey, il est donc bien beau, le Zone Campus. Hey, c'est écœurant. Nouvelle maquette, nouvelle façon de placer la une. Vous allez voir qu'à partir du prochain numéro, il va même y avoir du texte d'article sur, sur la nouvelle principale. Ça s'en vient la semaine, dans deux semaines. Je vais faire actualité. Oui. Je ferai société, je ferai spectacle, je ferai sport. Genre. Parfait, okay. Parfait. On commence en actualité avec une entente entre l'UQTR et la STTR, la Société de transport de Trois-Rivières. Les cartes d'autobus pour les étudiants vont descendre à 5 $. Oui. C'est vraiment pas cher, une très bonne nouvelle, ça. Campus vert, c'est ça que ça donne. Place à la relève en gestion, la deuxième édition est lancée. Il y a un article là-dessus aussi. On parle de l'année à venir pour l'AGEQTR, qu'ils ont plein de projets. De projets, effectivement. Des plus importants. Dans son éditorial, Audrey Tremblay nous parle de la grosse situation du stationnement à l'UQTR. Je pense que ça fait jaser tout le monde. Les vignettes, le concours, hein, c'est la roue de fortune. Yves Corbeil vient vous livrer votre vignette de stationnement en direct chez vous. Il y a l'invitation du bureau de la réussite étudiante à venir participer au dîner rap. Rap. C'est quand? C'est le 6 septembre. Ben, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. C'est bien comme date. Oubliez-les pas, là. Non, je vais être là tantôt en personne. Il y a aussi l'UQTR sur le chapiteau qui continue. Ça va être les 7 et 8 septembre, donc demain et après-demain. Les associations de niveau 3, de l'UQTR vont pouvoir se présenter aux étudiants lors de la rentrée scolaire dans le cadre de la foire aux associations. Présenter ce qu'ils offrent leur service, effectivement. Voilà. L'AGE va être là aussi. Oui. Il y a un article sur le bureau de la réussite étudiante, mieux s'outiller pour mieux réussir. Dans sa chronique en pleine face, Simon Fitzbay nous parle du deal du siècle. On parle des cartes de crédit Mastercard qui sont données aux étudiants. Ah, ils sont donnés? Oui, mais après ça, c'est pas donné, tu sais, mettons. C'est ça. Après ça, c'est tout dépendant de l'utilisation. Les gens sont pas tous d'accord avec l'idée d'avoir une université qui offre, dans le fond, des cartes de crédit. Non, un très bon texte de M. Fitzbay, d'ailleurs. Allez. Oui, vraiment. Je ça fait réfléchir. Oui, c'est très bon. Les textes de cette année d'opinion sont très, très forts. On a beaucoup plus d'opinions que les années passées. On revient sur le fait que l'équipe du Mini Baja a performé en Illinois. C'est un 29e rang mondial pour l'UQTR. On a aussi une nouvelle formation à l'UQTR, le début des classes des enseignants en entrepreneuriat. On parle du pacte de la colocation, cohabiter dans le même espace. Qu'est-ce que c'est d'avoir d'avoir un coloc chez eux là? C'est pas évident. Moi, je sais que je le ferais jamais. Hey, je sais pas. Puis il y en a en fait qui se lancent comme je peux dire dans le vide comme ça avec des gens qui connaissent pas. Ça doit pas être évident. Une petite annonce genre sur Kijiji. Ça doit pas être évident. Pas tout à fait, non, pas sûr. On parle évidemment de Justin Bourque, hein. On sait qu'il avait qui a annoncé pas sa retraite, et non sa démission. Tu sais, je dis tout le temps démission, c'est sa retraite. Retraite. Qu'il a annoncé à la fin de l'année scolaire dernière, voilà. Exactement, mais surprenamment, il n'y a pas de candidature pour le remplacer. Non, c'est ça, donc on se demande qui va le remplacer. Il y a quelqu'un par intérim en ce moment, mais qui va le remplacer après? Exactement. Et puis, dans la chronique société, pas la chronique, l'onglet société. Si il n'y a plus d'onglet, c'est des bottes, des belles petites bannières à croche. Ouais, mais on aime ça. C'est, hein, ça. C'est cute, hein? Ouais, oui. C'est super beau. Jean-François Veilleux nous parle de 10 choses que l'on devrait enseigner à l'école, en fait, au pouvoir citoyen. Donc, très intéressant. Il y a aussi Marie-André Gauthier qui nous parle de la non-mixité, une nécessité. Beaucoup de termes quand même dans cette chronique-là. Une chronique avec beaucoup de mots qu'il faut comprendre, peut-être en chercher un petit peu. Ben non, mais c'est quand même assez clair. Ouais, j'aime bien son texte. Après ça, on a nos fameux jeux. Hein? Oui, les jeux. Faut pas les oublier. Trois de retour. Des fois, dans vos cours, là, vous savez pas quoi faire. Là, votre prof est ennuyé. Prenez un Zone Campus. Là. Sortez pas votre iPhone. Non. Ça paraît beaucoup moins de sortir le journal Zone Campus. Et puis, plus tard, Michael Magny, qui nous parle du culte du café. Ah, miam. Donc, lui, d'ailleurs, dans son texte, prend une résolution. Je vous laisserai la lire. Très intéressant, d'ailleurs, pour ceux qui pensent qu'ils ne sont pas accros au café, mais que ça prend quand même un café. Ouais, c'est ça, parce que sinon, ton cerveau est pas tout à fait là. Ouais, exactement. Mais c'est ça, en tout cas, lisez-le, c'est vraiment très intéressant. Ouais. Maxime Blodeau aussi, nouveau chroniqueur, il est même au journal Zone Campus. Lui, c'est plus sportif, activité physique. C'est ça, exactement. Utilise des termes aussi quand même assez faciles pour que tout le monde comprenne. En fait, ce qu'il veut exprimer, c'est très bien. C'est convivial. Exactement. Hors et spectacle, Mathieu. Hors et spectacle, François. On parle du spectacle de la rentrée de l'UQTR. On en a parlé de ça tantôt. Radio. Et l'âge d'Iouf. Le frère Aboukar. C'est le frère Aboukar? Non, du tout, ça n'a pas rapport. Je sais pas. C'est une blague. Ça aurait pu. DJ de Catardi. C'est qui, ça? C'est une DJ, mais au féminin, donc une DJette. C'est un peu comme quand je dis une douche baguette. Une douche baguette. C'est dans le même genre. ça vient de là. Ensuite, toujours en art et spectacle, on a une suggestion de lecture, L'école des films de David Gilmour aux éditions Le Méac. Allez lire cet article-là pour en savoir plus. On parle du début de la nouvelle saison de la Luitre, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Leur match d'ouverture qui a lieu le 12 septembre prochain, ça va avoir lieu à la Chasse-Galerie. Une partie spéciale a été préparée afin de faire connaître la Luitre au public, mais aussi aux gens qui aimeraient tenter leur chance à titre de joueur. Aux gens, excuse-moi. Prononciation des fois. Hein. On revient sur les vacances, entre guillemets, là, parce que c'était pas des vacances. Il a été très actif cet été. Biobazar, l'animateur même du Dîner de cons sur... Danny Janvier. Qui commence aujourd'hui aussi. À 11h, bien évidemment. Donc, vous pouvez en savoir plus sur les spectacles qu'il a cet automne, les différents trucs qui se trament pour lui. On revient sur la pièce Hockey Town qui était présentée au Théâtre des Marguerites jusqu'à très récemment. Ça a terminé le 3 septembre dernier. Théâtre des Marguerites, d'ailleurs, qui est fermé. Hein? C'est fermé à vie. Définitivement. Arrête, oui, non. Oui, c'est... en fait, c'est le voisin qui a acheté ça pour s'agrandir en fait dans son commerce. Je pense, oui. Ah, wow, ouais, ça terminé. Là, ça me surprend parce que je pensais vraiment que Hockey Town allait remettre le Théâtre des Marguerites à la map. Non. Eh bien, c'est malheureux. Il est complètement effacé. C'est malheureux. C'est vraiment triste. Ouais. Ah ben, je suis déçu. OK, continuons. On revient sur le Théâtre des gens de la place. Lui, est-ce qu'il est encore ouvert? Ouais. Pour la pièce, appelez-moi Stéphane avec, entre autres, Hélène Martin, Marie-André Leduc et Martin Bergeron. On parle de programmation de C'est fou 89.1 FM. Hein, on peut pas passer à côté. C'était une nouvelle session, une nouvelle année. Section, hein, c'est ça. C'est un petit peu journalistique, tout ça. Une nouvelle année des quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis du lundi au jeudi de 7h à 9h avec moi et François. Et le dîner de con avec Danny Janvier et son collaborateur de toujours, Charles-André Lambert. On parle des chroniques qu'on va avoir cet automne et de façon, si vous voulez, animer vous-même. Comment le faire, c'est dans l'article. Je vous dirai, petit scoop, là, aller sur cfou.ca, remplir le formulaire, puis envoyer par courriel à progcfou@uqtr.ca. Hein? T'as plus besoin de lire l'article, là, c'est fini. Le Festival Urbain, on dit mission accomplie. Hein? Il y avait un artiste, entre autres, d'Atsit, qui accompagnait le porte-parole Pat Cassel sur la grande scène du Festival Urbain. C'est la photo. Sinon, la nouvelle équipe du Zone Campus, la programmation pour cet automne à la Chasse-Galerie. Et puis, c'est à peu près ça pour les arts et spectacles. On passe en sport, François. Oui, effectivement, les sports. Évidemment, on parle des Patriotes, hein, quand on sait ici à l'UQTR, c'est les Patriotes. Nous sommes Patriotes. Donc, c'est ça, le Patriot Soccer, en fait, revient d'un camp d'entraînement en Provence. Donc, voilà, le début est lancé pour eux autres. On parle aussi d'un camp d'entraînement très attendu pour l'équipe de volleyball. Oui, il y a des rumeurs qui courent sur la nouvelle entraîneuse-meneuse de la formation, Marie-Ève Giroir. Ça se pourrait bien. Est-ce que tu as vu à côté des sports la pub de C'est fou quoi? Ouais, c'est... Oui. Hein? C'est wow! Tu veux-tu la lire? Ah, non, ça va aller, mais elle est belle! Bon. Bon, tu tapes dans le dos. Hein. Ça y est. L'équipe de cross-country, les Patriotes qui souhaitent s'améliorer, on parle ici des recrues prometteuses. Donc voilà, et puis un nouvel entraîneur pour la formation de golf. Et puis on parle Patriotes hockey, en fait, avec un vent nouveau chez les Patriotes, donc plusieurs joueurs qui sont nouveaux cette année. Oui, il y a des gens qui vont venir remplacer les 8 étudiants qui ont terminé leur périple universitaire l'an passé. Voilà, et puis on parle aussi du nouveau site internet des Patriotes. Oui, tout à fait. Voilà pour le journal Zone Campus qui est en kiosque à partir d'aujourd'hui, mardi 27 septembre. Oui, là. Allez le chercher. Pas du tout. Jusqu'au 18 septembre, c'est volume 7 numéro 1. Vous pouvez le lire en direct sur le nouveau site internet de Zone Campus au www.zonecampus.ca. Là-dessus, il y a des articles à partager sur les médias sociaux. Enfin, Zone Campus arrive en 2011 avec des possibilités de... On est là. On est arrivé. Ça a pris du temps, on est arrivé. Donc, sur Facebook et sur Twitter. Non, c'est pas super. Il y a des domaines où ce qu'on est un peu en retard, mais il y en a d'autres où ce qu'on est extrêmement en avance. Ouais. Si on parle de l'application, en fait, de C'est fou. iPhone. Pour iPhone, iPod, Touch. iPad. iPad aussi, si vous voulez le grossir deux fois. C'est... Ouais. Ping. Non, mais pour le Zone Campus, c'est ça. C'est... Oui, on entre en 2011, mais en même temps, c'est un journal, c'est un média du passé. Fait qu'on l'a dans les mains aussi. Faut encourager les gens de le prendre dans leurs mains. Ben faut oui, juste aller le lire sur Internet. Exactement. C'est pour ça que c'est pas tous les articles qui sont sur le site. Exactement. C'est le précis. Ben, tout à fait. Et rendons-nous sur zonecampus.ca parce qu'à un moment donné, comme il est nouveau, faut en parler un petit peu. Sur zonecampus.ca, notre nouveau blog, vous pouvez entre autres voir comme ça, dès votre arrivée, les en-têtes des sections, les photos qui vont vous attirer le plus. Cliquez par exemple sur Radio-Radio et bing, on arrive sur l'article sur Radio-Radio. On peut évidemment, toujours dans la colonne de droite, lire en version interactive le journal, donc l'ouvrir, dans votre ordinateur, même pas en PDF, là, même pas besoin de télécharger rien. Non, c'est très bon, ça. C'est très le fun. Tout à fait animé, j'adore ça. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a des nouvelles catégories, donc vous pouvez aller voir seulement les articles d'art et spectacle, seulement les articles de sport, etc. Vous pouvez y aller par mois, évidemment. Vous pouvez y aller par mots-clés aussi, si vous aimez des articles seulement sur le soccer. Cliquez sur soccer, c'est ça. Dans la section archives, on peut aller voir tous les numéros depuis le début. Dans l'année 2005-2006, tout ça en version soit interactive pour les sessions les plus récentes ou encore seulement en PDF pour les plus vieilles. Apprendre notre mission, en savoir plus sur l'équipe, acheter de la publicité, publier un texte ou encore nous contacter, c'est super simple sur zonecampus.ca. Site qui sera continuellement amélioré là, au fil des semaines et des mois pour avoir de plus en plus de matériel. Voilà. Hein? C'est très bien. Zonecampus.ca. Enfin, ils viennent de rouvrir. Hey, Colin, c'est l'ordinateur de 1993 qui était sur ton côté de table. Voilà pour la chronique Zone Campus. On va faire ça une fois aux deux semaines. Évidemment, normalement, ce sera le lundi et non pas le mardi parce que le journal sort tout le temps les lundis étant donné qu'il y avait une journée de congé hier. C'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui. Exactement. Voilà, voilà, voilà. On va retourner en musique avec un petit peu de Dead From Above 1979. C'est François qui a choisi la pièce. C'est très bon. C'est Black History Month. Oh. C'est très, très bon. J'aime beaucoup ça. On n'est pas en février, par contre. Non. Je te renseigne. Non. Mais c'est quand même bon, tu vas voir. Ah ouais? Ouais. Ah, je vais faire comme si je connais pas ça. Ah, hey, va découvrir quelque chose, ça va être bon. Yeah, vous êtes à Assemblage Rocky au 89 FM, it's crazy that. We'll be right back. Girls If Feel Good Inc. sur leur album Demon Days, Assemblage Requis. François, j'ai une petite surprise pour toi. Un cadeau presque, parce que tu sais, on aime tous les deux la pièce Feel Good Inc. de Gorillaz. Oui. Comme tout le monde, j'imagine. Tu vas la remettre? Oui, exactement. Mais d'une autre façon un peu, c'est l'artiste Josie Carlwood sur son Boss RC30, un truc de musique, là, de pad là, qui loop tout seul. Quand tu as des pédales, puis là tu fais quelque chose, puis là tu payes sur le bouton, puis ça se reproduit tout le temps, puis là tu peux enchaîner plein d'affaires comme ça. Donc elle a fait un remix de Feel Good Inc. On écoute un petit morceau. Oh. Okay. C'est super bon. Je vais passer la vidéo sur assemblagerequis.com pour voir, elle montre ça en direct. En direct. J'aime ça. Ouais. Oh, c'est très bon. Là, c'est elle qui a fait ça en direct et le loop automatiquement. C'est très, très bon. Josie Carlwood avec Feel Good Inc. Un remix d'une pièce de Gorillaz loopée elle-même en direct sur vidéo. Je viens de mettre le lien sur assemblagerequis.com si vous actualisez la page du mardi 6 septembre. Et je regardais ça en plein écran HD. Hein. Elle est bonne. Oui, elle a du talent. Ça paraît quand on la voit faire, là, si elle faisait ça en direct devant une salle, les gens seraient en furie de talent. Ça serait le fun. Ça serait le fun. J'aimerais savoir un club qui oserait. Mais au lieu de passer tout le temps la même musique. Oui, c'est ça. Les mêmes, en tout cas, on n'aimera même pas l'artiste. Hein? Non. On sait de qui on parle. Mm-hmm. Oui. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On se retrouve tantôt avec Stéphanie Gagné en début de deuxième heure et synchronique ton plat favori. Et plus tard, c'est un fait. Oui. Oui, mais pour l'instant, on vous laisse écouter la pièce parce que c'est trop bon. C'est trop bon. Oh. Ouais, moi aussi, comme Josie Callwood, je mixe les affaires en direct comme ça, puis je parle par-dessus. Bing, bing, bing. C'est comme faire de la radio, finalement. C'est pareil. Ouais. François, moi, je m'ennuie vraiment là, de notre bateau de croisière, le SS Rocky, qu'on a utilisé tout l'été. Oui, ah, ça, c'était la sirène. L'accent, si on peut dire. Je pensais vraiment que c'était moi en train de pleurer à cause non, de non, ça. Non, pleure pas comme ça. Je pleure bien plus viril que ça. Voyons, là. Mette ta barbe. Non, oh, attends, non. Oh, à la place de faire de rire normal, j'aurais dû dire rire comme dans Field Godding. C'est bon, hein, on aime ça. Ah, adorable. Ça part bien la journée. Tout à fait. Non, c'est ça. Donc, je m'ennuie du bateau SS Rocky. Je m'ennuie des vagues qu'on avait derrière nous et des petits oiseaux qui chantonnaient tout le temps. Merci. Imite-la. Continue. Non, non. Imite-la. Non, non. Attends, non, non. Je suis sûr que si t'es capable, si t'essayes vraiment, tu vas pouvoir imiter. Attends, imite un klaxon. OK, oui. Tu l'as très bien. C'est pas spécial. Frime! Tu fais les oiseaux en plus en même temps. Puis l'eau, elle. Ah. C'est... Ah, hein? Je l'ai. C'est là l'affaire, François. OK, ben continue un petit peu moins fort pendant que je parle. Donc, vu que je m'ennuie du SS Rocky, j'ai demandé à Marie-Pierre Laforge-Bourret, ma co-animatrice de cet été, de co-animer les Palmarès C'est Fou avec moi, et ça va être le cas à partir de jeudi de cette semaine. Donc, jeudi, entre 14h et 17h, les Palmarès C'est Fou, top 20 francophones, top 20 anglophones, et un paquet d'autres choses, avec des... Que le meilleur. Que le meilleur, et des présences farfelues. Tu te rappelles de Justine Renaud, qu'on a reçu une couple de fois cet été? Oui, je l'ai entendu d'ailleurs, oui. La semaine dernière ou l'autre d'avant. Est-ce que c'était ses problèmes de peau, de grains de beauté, cette fois-là? Oui, ben, vous aviez discuté en nombre. Ça va être comme ça. Un peu dégueulasse, mais bon. Ça va être comme ça toutes les semaines, le jeudi entre 14h et 17h. On rappelle les vendredis soirs à 17h. Pour l'instant, avant de recevoir Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori, on écoute une pièce de Charles Andrew. Yeah! Chase Money! Chase Money! Chase Money! Comment tu fais pour parler et faire les vagues en même temps? C'est ça que je comprends pas. Un jour, tu vas comprendre. Gorge profonde, t'as du talent. Reste poli, mon petit polisson, toi. Chase Money, Assemblage Rocky. Maintenant, reçois Stéphanie Gagné. Voici ton plat favori. Bonjour Stéphanie. Allô les garçons. Hey, ça va? Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Oui. Hey, c'est vrai, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé à François-Olivier. Eh oui. Ça fait un méchant bout de temps, là. C'est, je pense que la dernière fois, c'était, je pourrais dire avril peut-être. Approximativement. Ouais, à peu près. Donc, Stéphanie, on sait que t'es pressée aujourd'hui. T'as un endroit où te rendre. Juste rapidement, état de ta vie, là, tu t'es enfin trouvé un emploi. Oui, enfin, je vais commencer jeudi à travailler. Oui, parce qu'il faut rappeler aux gens que Stéphanie est rendue à Gatineau pour aller étudier. Donc, tu te cherchais un nouvel appartement pour commencer. Tu l'as trouvé, un nouvel emploi, tu l'as trouvé. Maintenant, ta vie est prête pour les prochaines années et ton argent est non existant aussi. argent très non existante, mais à part de ça, ça va quand même bien. Je m'en vais justement à l'école plus tard. J'ai un cours à 9h. Et les cours vont bien en général comme ça, ouais? Ben j'en ai juste deux à date parce que j'ai pas de cours jeudi, vendredi. J'ai juste eu les cours de mercredi à date. Pénard! Pénard! Hey, c'est où tu travailles en pensée? Non! ça va être chez Couche-Tard. Oh, ok! Tu vas pouvoir nous vendre des boissons énergiques d'une autre radio. Oui! Ouais, exactement. Ouais. Bon. Donc, voilà pour ceux qui voulaient être au courant de ta vie, c'est fait. T'as un coup de cœur pour nous cette semaine à nous présenter, comme à toutes les semaines, dans ton plat favori? Oui, je vais vous parler du dernier album que je me suis acheté. C'est le dernier album des Black Lips, leur sixième album, Arabian Mountain, qui est sorti en juin dernier. Un groupe qui est quand même punk, lo-fi, un petit peu, c'est pas super travaillé comme musique. Mais pour le dernier album, ils ont travaillé avec Mark Ronson, qui est connu pour son travail un peu plus commercial. Il a travaillé sur des pièces de Britney Spears, de Amy Winehouse, etc. Donc, assez commercial. Oui, entre autres, il a travaillé avec beaucoup de personnes. Mais c'est ça, c'est comme une drôle de collaboration. Mais ça rend en fait un excellent album. C'est vraiment un petit peu plus travaillé. Mais on voit encore les racines de Blacklist sur cet album-là. Ça fait vraiment un super bon album avec des influences un peu des années 60 parfois. Ça fait penser un peu à l'album des Smith Westerns que j'ai vraiment adoré. Donc, c'est ça, vraiment un excellent album. Beaucoup, beaucoup de bonnes pièces. Ça a été dur de choisir celle que je voulais faire jouer. Mais j'ai choisi Modern Art, qui est le deuxième single de cet album-là. Oui, c'est une pièce qui est sur le palmarès anglophone en ce moment. Donc, bon choix. Pour vrai? Ah, c'est fou, il est plus à jour que tu pensais, c'est ça? Non, on a ça. Wow. Si c'est bon, on l'a. Ça donne bien. Oui, ça donne très bien. Donc, on va écouter Black Lips avec Modern Art sur l'album Arabia Mountain. Et puis, on te laisse aller à tes cours, que ce temps-là. Ouais, c'est ça. Il faut que je parte un petit peu plus bas que d'habitude parce qu'il y a une graisse et il faut passer par une ligne de piquetage. Oh. Ce qui m'a l'air, ma foi, très plaisant. grève à l'école ou? Ouais, c'est ça. C'est la grève des employés de soutien. Oh, les tabarouettes, hein? Ouais. Bon. Bon, ben, prends soin de toi, et puis on se retrouve, ça va être la semaine prochaine, mardi aussi, à 8h, mais peut-être un petit peu plus de bonheur qu'à l'heure, hein? Pour que t'ailles le temps de t'en aller, non? Comme vous voulez. Merci, Steph! À la semaine prochaine! Bye! Black Lips et Modern Art dans Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées. C'était dans la chronique Ton plat favori de Stéphanie Gagné, qu'on remercie. Évidemment. Oui, merci Steph. Oui, et elle va être avec nous tous les mardis à 8h, ici à l'émission. Est-ce que son école commençait aujourd'hui ou c'est la semaine passée? Ah, ok. C'est ça, elle n'a juste pas eu beaucoup de cours jusqu'à maintenant. Ah, d'accord. Ça s'en vient. Elle étudie fort, j'en suis sûr. Elle fait ses devoirs, elle a acheté ses crayons numéro 2 et tout. Hein. HB. HB, c'est ça. Est-ce que c'est numéro 1? Je sais pas si ça existe. Je sais pas, je pense que oui. On s'en sert juste pas. Je sais pas. Ça. Faudrait faire une chronique, c'est un fait là-dessus. Et cela étant dit, il va y avoir une chronique, c'est un fait entre autres. Wow! Ouais, c'était impressionnant. Après le prochain bloc, en fait. OK. Parce qu'on s'en va entendre un petit bloc de palmarès. On va l'entendre tantôt Huckerville River. Mais on va débuter avec nos amis de Bravo Funkin. Excellent groupe avec leur maxi cœur Rubik. Voici Boîte à savon au 89.1 FM. C'est fou. C'est fou, ça. C'est fou.ca. Fou.k. Fou.k. Wow. Le temps file et j'ai encore les mains dans l'huile. Aura-t-il terminé à temps pour la grande course du printemps? Le tournoi des amants. Nous déballerons les chemins, avalerons les balles de poing. En sarcophage à notre image, enfant d'un hiver dans le garage. Il y aura des fleurs dans chaque virage. Thank you. La pièce Wake and Be Fine de Huckerville River sur leur album I Am Very Far. Est-ce que c'est sur le palmarès? C'est sur le palmarès. J'aime ça. T'aimes ça? Ouais, c'est vraiment bon pour vrai. Ouais, c'est vraiment bon pour vrai. Oui, je te dis. Oui, je te dis. Ça va? Oui. Ah, excuse-moi. Une maladie mentale ou? J'étais en mode. Bon. Maintenant, c'est le moment de la chronique que c'est off. Et François, je sais pas si c'était un auditeur assidu de la vie de croisière d'Assemblage Requis cet été, les jeudis après-midi. Ben, pas tout le temps, pas tout le temps. Je peux, je dois être franc, là, pas tout le temps. T'écoutais les reprises le lundi ou le samedi. Mais ça donnait toujours que, en fait, j'écoutais Assemblage Requis un jour ou l'autre. Ouais, bon. Donc, t'as peut-être entendu dire que il y a quelqu'un, je sais pas si c'est quelqu'un qui a piqué mon idée, je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais il y a quelqu'un qui fait c'est un fait sur Facebook et Twitter avec le même nom et le même genre de chronique. Ça, c'est correct, c'est bien correct. Tu viens de trop bien? Je sais pas, j'ai pas trop posé de questions, mais je me dis, ça me dérange pas, c'est correct, fine, fais ça. Mais moi, ça me tente pas d'avoir le même nom que quelqu'un d'autre pour la chronique, donc j'ai envie de trouver un nouveau nom de chronique. Hein, okay. Bon. Donc, j'avais pensé à plein d'affaires et mes idées ont été enlevées par droit de veto par différentes personnes autour de moi parce que soit elles ont pas de sens ou qu'elles sont trop compliquées. Par exemple, fais à ta tête, tu sais. Ça, c'est pas mauvais. Ouais, ça c'est peut porter à confusion, ça. Genre, ça veut comme dire, je m'en fous un peu, puis fais ce que ça te tente avec ça. T'sais. Ouais, mais c'est des faits. Des faits, puis t'as pas le contrôle là-dessus, là. Non, mais non, c'est ça. Toi, t'avais suggéré, faites-en ce que vous voulez. Fais-en ce que tu veux. Fais-en ce que tu veux. C'est un peu le même genre, j'aime ça, j'aime ça. Mais ça, c'est des jeux de mots qui sont comme difficiles à expliquer à la radio, t'sais. Donc, je recherche les suggestions des gens sur notre page Facebook. Hein? Cherchez Assemblage Requis, c'est le premier sur le bord, là, avec la petite boîte. Là. Puis suggérez-nous un nouveau nom pour la chronique, c'est un fait. Pas le droit de dire fait chier ou... Non, c'est ça. Pas le droit de copier les autres. Pas le droit... Vous pouvez choisir un autre mot que fait pour pas juste avoir fait dedans. Là, ça... ça serait bien de le garder. Oui, ce serait bien. En effet, ça ferait un rappel. Bon, donc le message est fait. Commençons la chronique. C'est un fait, comme on l'appelle pour l'instant. Commençons avec un fait sur Freddie Mercury. C'était sa fête hier. En fait, ça aurait été à sa fête. Là. Ouais. En fait, il n'est pas tout à fait présent pour célébrer. Là. Mais ça aurait été son 65e anniversaire. On apprend qu'il était né, il est né, sous le nom de Farrokh Bulsara, dans le pays qui est le Zanzibar, en 1946. C'est Zanzibar? Le Zanzibar. C'est un bar, ça, toi, revient. Ah, pas vrai? Ouais. Ça vient du pays. Où le pays vient du bord, on sait pas. Dans les années 80, les fans de Penn State, l'université, pouvaient appeler un numéro 1-900 et écouter les parties en direct à la radio, les parties de football en direct à la radio. Ça coûtait en général $60 par jeu, par partie de football. C'est cher. Dans les années 80, hein? C'est quand même récent, les années 80, hein? $60 par partie. Devine quelle lettre est la seule lettre que vous allez trouver dans aucun État américain. T'sais, les noms des États américains, une lettre, une seule lettre de l'alphabet n'apparaît pas nulle part. Go. Le Z? Non, c'est le Q. Le Q. Z, c'est évidemment l'état de Arizona. L'Arizona! Je le savais. J'étais proche. On était chanceux, hein, là-dessus. Quand même, hein, ça aurait pu avoir la foule un peu. Ça, j'adore ça. Il y a une école dans l'Arkansas, OK? Une des villes qui a un K, qui est quand même assez rare. L'Arkansas School for the Deaf, OK? L'école pour les sourds. Sourds, hein? Devine le nom de leur mascotte. Ben là, je sais pas. C'est génial, OK? C'est The Arkansas School for the Deaf Leopard. Comme le Deaf Leopard. Deaf Leopard, le groupe de musique pour l'école pour les sourds. C'est fort. C'est fort. C'est le genre de choses que j'aurais facilement pu trouver puis les gens m'auraient trouvé épais. Mais eux autres, ils l'ont fait. Eux autres, ils l'ont fait. Parce qu'ils sont pas frileux. Non. Bon. Parce qu'il y a personne qui l'entend. Oh. Et puis personne qui peut savoir si la musique est bonne ou pas. Bon. Les carottes ne sont pas devenues oranges avant le 17e siècle, savais-tu ça? Devine non, quelle couleur étaient les carottes? C'était vert, non? Non, proche. Jaune? Jaune, un peu. En fait, c'était mauve à l'extérieur et jaune à l'intérieur. Ah ouais? Étrange, hein? Pourquoi ça a changé de couleur? Excellente question, tu sais. Excellente question, j'adore ta question. Donc, les carottes sont devenues oranges au 17e siècle. Je sais pas la réponse. La carotte, d'ailleurs, est le deuxième légume le plus populaire du monde. Après, quel légume est le numéro 1? Patate. Patate! Tout le monde mange des patates. Bravo, patate. Je fais patate. Des patates pilées, des patates au four, des patates dans le poêle. En julienne. En julienne, des patates frites. Des patates frites, patates chips. Des patates chips. Oui. C'est à peu près ça, hein? Patate à crème sur, maintenant. C'est bon, ça. Ouais. Mmh. Mais faut que tu la fasses dans le four avant aussi. C'est vrai que c'est comme un prérequis, là. Tremper ta patate crue dans de la. En tout cas, bon. C'est pas excellent, une patate crue. Pas, non. En fait, c'est étrangement mauvais, je trouve. C'est vraiment pas bon. Ouais. Non, tout le monde a essayé ça une fois dans sa vie, je pense. Mais oui. Parce que c'est quand même attrayant, tu sais, une patate crue. C'est joli. Ben, c'est joli. C'est pas joli en du tout, en fait, je trouve. Non, non, mais tu sais, cru. Ça a l'air pas bon. De peau. T'enlèves la peau en c'est pas bon. Bref. Hein, c'est intéressant. C'est intéressant, ouais. Vous êtes à assemblage requis. Vous êtes à assemblage requis. C'est le slogan. La musique, d'accord, du très classique. C'est un musical, genre Song of the White Horse. Je pense que c'est juste une chanson classique. En tout cas, bref, ça demande à la chorale qui la chante d'avaler de l'hélium pour faire les notes les plus élevées. Oh mon Dieu. Parce que je pense c'est une chanson classique, en tout cas. Song of the White Horse. Très bien. Quelque chose dont je n'étais pas au courant du tout. Savais-tu que la tolérance au lactose, tu sais, on parle des fois de l'intolérance, la tolérance au lactose est une mutation génétique. Est une quoi? Est une mutation génétique. D'accord? Donc, tu serais supposé, en temps normal, d'être intolérant au lactose, de ne pas supporter le lactose, mais ceux qui le tolèrent, qui sont capables, sont des mutants, si on veut. Hein? Dit comme ça. Et plus. Non, je suis pas un mutant. En fait, j'ai l'intolérance. Toi, t'es un mutant. Oui, pas toi. Non, moi, j'ai le gène correct de l'intolérance au lactose. Ah. C'est fun. Mais bref, plus tu t'éloignes de l'équateur, OK? L'équateur, tu sais, est dans le milieu du globe terrestre. C'est pas mal, c'est où? Donc, plus tu t'éloignes de ça, plus t'as de chances d'être un mutant et d'être tolérant au lactose. OK? C'est fascinant, je trouve. Comme si le soleil pouvait avoir un impact, peut-être? Peut-être. Ça peut être du lait caillé et tout, peut-être. Ça pourrait avoir un lien. Eh, quand même. La tradition veut que. D'accord? Et là, c'est un fait religieux. Qu'est-ce qu'elle veut, la tradition? La tradition veut que, vu que seulement Allah est parfait, Allah est parfait. Ouais. Bon, ça va jusque-là, d'accord? Aucun commentaire. Allah est parfait. C'est comme ça. La symétrie de chaque tapis perse, tu sais, les tapis perses, Persian, OK? Ouais. Doit être désymétrisé par une genre de... Désymétrisé, je comprends pas ce terme. Faut enlever la symétrie, j'ai inventé ce terme, c'est pour ça que tu le comprends pas. Là. OK. Fait que tu peux faire n'importe quoi. Mais il faut que les côtés soient un peu différents. Il faut qu'il y ait une Pas égal. Faut pas que ça soit un rectangle parfait, faut pas que ça soit un parallélogramme. Genre, mais mettons que ton tapis, tu le sépares en deux parties, OK? Ça peut pas être symétrique. Il peut pas avoir le même arbre au même endroit ou la même. Ah, OK, OK, faut dans qu'il y ait une différence. Une petite différence dans le dessin, okay, sur le dans le pattern du tapis. OK, je pensais dans le format. Non, c'est ça, c'est vraiment dans la gauche et la droite, la symétrie de la chose. C'est comme si ta face, t'as barre en deux, t'es différent d'un bord puis de l'autre, donc t'es pas parfait, parce que seulement Allah est parfait. Bon, c'est clair. C'est comme ça. Non, mais c'est comme ça. Saviez-vous que 98% des maisons britanniques modernes ont du plancher avec du tapis? Ça reste dans le même domaine. 98% des maisons britaniques modernes ont du tapis. C'est énorme, parce qu'ici au Québec, je pense pas qu'on puisse dire ça. Moi, mais les nouvelles maisons n'ont plus de tapis. Non, mais non. C'est un tapis d'entrée uniquement. Un welcome, là. Un welcome. Un tapis de toilette puis un tapis de douche, demain. Ouais, ça c'est bien pratique. Tapis de toilette, pas tellement utile, moi non plus. Un tapis, peut-être des fois en dessous de la litière à chat. Hein? Non, pas un tapis, un tapis plastique. Ça compte-tu comme un tapis de plastique? Non, je sais pas, pour récupérer la litière qui tombe c'est ça. Sur le côté. Le chat, il peut comme faire ses petits. À côté. Aller ses pattes. Ouais, c'est ça, ça arrive à côté. C'est ça le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Donc, 98% des maisons britanniques modernes ont du tapis. C'est énorme. Oui. Alors qu'en Italie, seulement 2% ont du tapis. OK. Ça se rapproche sûrement plus de nous. On pourrait dire peut-être... 50-50. Ben non, 15% peut-être. Parce que, 15. En fait, les vieilles maisons, il reste du tapis dedans. C'est ça, les personnes âgées encore chargeront pas leur plancher. C'est pas trop compliqué. T'sais. Mais c'est confortable du tapis aussi. C'est sûr, c'est l'hiver, sale. Là. Ben ouais, c'est pas bon pour les allergies non plus. Non, c'est ça. Mais c'est bon pour les petits pieds. Les petits pieds. Non, petits pieds. Oh. C'est l'accent qui petit pied, le dinosaure. Petit pied, le dinosaure. Tu connais? On s'emporte. Oui, non. Non. Oui, non. Oui, jusqu'à temps que j'y pense, et ensuite, non est la vraie réponse. Il y a un musée de la carotte en Belgique. J'aurais pu le mettre avec les autres fesses et carottes. Ben oui, voyons donc. Mais il y a un musée de la carotte en Belgique. C'est wow, hein. C'est wow. Tantôt, tu me demandais pourquoi les carottes étaient oranges. J'avais le fait sans le savoir. Parce qu'il était juste à côté, mais je l'ai pas. Je me rappelais pas. Les carottes oranges ont été développées par les Hollandais. C'était un geste patriotique envers leur Royal House of Orange. Une maison dédiée à Guetta Orange, là, en Hollande. Au pays. Mais je comprends pas, ils l'ont modifié génétiquement. C'est ça. Ouais. C'est ça. Oui, exactement. C'est bien, hein? Ouais. On dirait que je trouve ça poche. T'aurais aimé mieux mauve et jaune à l'intérieur. Naturel. Oui, naturel. Tout à fait. Les produits naturels. Oui. Biologique, organique en français, je pense. Hein? Non, en anglais, organique, en français, biologique. Je comprends pas trop pourquoi. Tu t'es toujours demandé, François, j'en suis certain, combien il y avait d'argent dans un jeu de Monopoly. S'il vous plaît, moi. S'il vous plaît. Donc, le montant total d'argent dans un jeu Monopoly standard est de 15 140 $. C'est pas ce que retenez ça, là, ça va être sur l'examen. Moi, là, les pièces, là, je les enlèverais. Tout tout à fait. Il y a une pièce, pareil comme dans la vraie vie. Voyons, non, c'est ça, quoi, ça? Oh. Non, mais là, une pièce dans la vraie vie, c'est quand même pratique. Là, ouais, mais on a des deux pièces. Moi, j'avoue qu'on pourrait avoir des... On devrait enlever deux pièces. Enlever une scène, les 5 cents aussi tant qu'à faire. Non. Puis gros, c'est les 10 cents sont même trop petits. Voyons. Non. Ah, t'es donc bien chaud là, matin. Ben là. En tout cas. Mathieu. Parlant d'argent. Minou. Et Colin, on commence à être un petit peu familier en ce mardi matin, là. Ouais. Savais-tu que la United States Mint, c'est ceux qui font l'argent, c'est comme la monnaie royale américaine. C'est. Je t'apprends rien. A déjà considéré produire des pièces en forme de beigne, avec un trou dedans. OK, mais comme nos deux pièces. Mais avec un trou dedans, ouais. Pas avec un. Mais les deux pièces, tu peux l'enlever, le... Ouais, mais c'est pas évident. La scène en or. C'est pas juste un marteau, un clou, puis. Ouais, mais c'est un étau. Mais là, t'es équipé avec un marteau, ouais, mais ça fait une beigne. Pourquoi tu fais un beigne? Ça fait un beigne. Je sais pas pourquoi ils voulaient en faire un. Faire des colliers avec, je sais-tu. Hey, ça serait bien mieux pour les enfants. Les enfants vont aller s'acheter des bonbons, tu mets ça sur une corde autour de leur cou. Ils peuvent pas les perdre. Puis si les avalent, ils peuvent pas s'étouffer. Pense à ça. Je pense que ça va être pire, en fait, si les avalent. Ils vont pouvoir encore plus s'étouffer, non? Non, mais ils vont avoir un trou dans le milieu. Ah, l'air va passer. L'air va passer. Après ça, tu vas pouvoir prendre des pinces puis aller chercher. Comme dans Opération. Ah, c'est le fun, le jeu, là. Ben, mais hein. Mais pourquoi ils voulaient faire des beignes? Revenons-en. Je sais-tu, moi, je sais pas. Les faits disent pas, mais c'est bizarre, ça. Mais ça, c'est une bonne idée, je trouve. Ben, c'est beau. Plus ou moins. Très différent. Beigne. Mais juste pour le fait que les enfants pourraient pas s'étouffer. Bon, c'est ça. Faudrait qu'il y ait du sucre sur la scène. Ouais. Ça pourrait aider. Hey, parlant de choses qu'on trouve bizarres, là. Parle-pas, Jean-Jean. Ouais, parle-pas, Jean-Jean. Il en reste 3, ça va bien rapide. La personne moyenne va flatuler 15 fois par jour. Ça, c'est une personne bien, bien moyenne. Bien, bien moyenne. toi et moi. Toi et moi, si tu veux faire une liaison qui est pas ouais. Donc, 15 fois par jour. On remarque pas qu'on pète 15 fois par jour. Attends, qu'on flatule. Ça c'est vrai. Je vais y aller de mots plus polis un peu. C'est pas, non, tu le remarques pas. Non. Non. Pourquoi? Parce que les flatulences ne puent pas toujours. Oui, je sais. Des fois, les gaz, d'accord, viennent du fait que tu avales trop d'air pendant que tu manges. OK. Tu manges, tu avales trop d'air. Plus les gaz qui sentent plus mauvais, OK. D'accord? Ouais. C'est quand ta nourriture n'est pas digérée correctement. Ce qui cause du sulfure, des gaz, du sulfurique. Ça se développe. Donc, quelqu'un qui flatule beaucoup. Oui. C'est parce qu'il digère pas bien. Si ça pue, c'est que ça digère pas bien. Sinon, si c'est qu'il avale trop d'air. Que... Si tu le sens, c'est parce que c'est ça. C'est ça. Sinon, c'est ça. Quand t'avales de l'air, ça pue pas. Et voilà. Tout compris, jeune Padawan. Jeune Padawan. C'est ça qu'on dit? Pas vu ça encore. C'est bon. Si. Deux derniers très rapidement. Okay. Le Viagra a été créé pour traiter la haute pression et les maladies du cœur. Mais quand ils ont fait le test sur le médicament, ils ont appris que les patients, c'est ça, ça faisait chouing. Donc ça les soulageait pas du tout de ces symptômes-là. Ça voulait soulager ces symptômes-là, mais ça marchait pas du tout. Donc ça faisait faire chouing. Et Pfizer a breveté le médicament en 96 et en seulement 2 ans, le FDA qui approuve ces médicaments-là l'a approuvé pour traiter la dysfonction érectile. Bon. Et puis ils se sont fait énormément d'argent avec chouing de cash. Ouais. Switching, ça a levé l'argent, a levé. Switching, c'est ça. Switching. Switching. Et savais-tu, pour terminer, que le langage des signes est utilisé par des personnes pendant leur rêve? Pas ce signe-là, ça c'est un doigt du milieu, c'est pas vraiment... Mais pendant leur rêve, pendant la nuit, ils vont faire... Tu sais, peut-être, j'imagine, parce que ce son-là est produit par le nez, j'imagine que tu peux le faire. Ça. Et puis là, ils vont faire des signes... Les sourds-muets? Ben, ça dépend. Ben, moi, je pense pas être capable de faire des signes. Non, mais c'est ça. Après, ils font n'importe quoi. Ouais, mais eux font des signes parce que c'est leur langue. C'est impressionnant, ouais. C'est comme ceux qui parlent la nuit, tu sais, des fois. Ouais. Je parle, ça m'arrive. Ça t'arrive? Qu'est-ce que tu dis? Confirmé. Je sais pas. Passe-moi le ballon, mais des affaires, tu sais, ça n'a pas de sens. Je pense que t'allais dire, genre, voici une pièce de tel groupe que tu vas me donner à l'instant pour jouer après la chronique. Ben non, c'était pas ça du tout. On va aller un peu à la place. Ouais, bonne idée. Bonne idée parce qu'il faut bien faire ça une fois de temps en temps. Une fois par demi-heure, c'est vraiment un peu demandé, hein, n'est-ce pas? Exact. Mais voilà pour la chronique, c'est un fait. On se retrouve demain. Ça fait plaisir. Restez là, on revient à demain. La pause. À demain? Non, il y a une autre demi-heure d'émission complète. Plein d'autres belles choses. Je retourne à me coucher, moi. Non. À demain. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Right. 89.1 MTV. Whoa, makes me wanna smoke crack. L'émission d'édition construite à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9 heures. Je me suis fait frapper par un troc de bonheur. Ça a eu pour effet de laisser plein de beaux petits sourires dans mon cœur. Pas mal plus fun que d'être en dépression grave. Ça goûte bon le bonheur, ça goûte le petit chocolat. Ça goûte bon le bonheur, ça goûte bon en tabarnak. C'est un goût qu'on trouve un petit peu partout autour de nous. Recette, ben, c'est la vie. Ça goûte bon le bonheur, ça goûte le petit chocolat. Ça goûte bon le bonheur, ça goûte bon en tabarnak. Ah oui, come on, souris. Vas-y, dis comme un mec, un bon petit sourire. Et Chuck and Swell avec la pièce Ça goûte bon le bonheur. Miam. Ça goûte très bon ce matin. En effet, vous êtes toujours à Assemblage Requis, à chaque fois. Hein. À mais quand Assemblage Requis. Quand on vit une session d'été puis que je change le nom de l'émission, c'est ça que ça donne. Bon. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Ah oui. Il reste une vingtaine de minutes environ à toi et à moi. Là. Oui, ensemble. Oui, toujours. Nous? On va être ici tous les jours, lundi au jeudi, entre 7h et 9h. Aux dernières nouvelles, c'est 4 jours sur 7. 4 jours sur 7. C'est ça. Le vendredi, faudrait pas écouter. Ça va bien. Faudrait pas oublier les meilleurs moments. Oui, exactement. Ouais, c'est le meilleur de C'est fou. Ça commence tous les vendredis matin. Mm-hmm. D'accord. Et ça se termine, ça, juste avant album classique et rock classique. D'accord. Donc à 10h. Oui. L'émission est de 7h à 10h. Comme ça. Merveilleux. Bien ça. On aime ça. Oui, et ensuite, ça rejoue le samedi après-midi. Parfait. Voilà. C'est les meilleurs moments de C'est fou. Donc les meilleurs moments d'Assemblage Requis et de. Le dîner de con. Voilà. On va aller écouter deux petits remix que j'ai trouvé sur les internets différents comme ça. Et tu vas vraiment aimer ça, je crois. C'est une pièce de Tokyo Police Club. OK. Parce que Tokyo Police Club a un album, enfin un projet de remix de chansons de d'autres groupes. Et on va écouter un remix d'une pièce de M83. C'est la pièce Kim and Jesse qu'on va entendre tout à l'heure. Mais on va débuter avec Cœur de Pirate, qui a fait un cover splendide d'une pièce de la formation The Weeknd, on a écouté ça une fois de temps en temps avec oui. Maxime Lemieux-Laramé dans sa chronique Télécharge quoi, qui en passant est en sabbatique cette année. Non. Ah, je sais, j'étais déçu quand j'ai entendu ça. Maxime ne fait pas sa chronique cette année. Meuf là vraiment déçu. Ah. Déprimé, même. Donc, The Weeknd avec leur pièce Wicked Games, refait par Cœur de Pirate. On écoute ça à l'instant, suivi de Tokyo Breeze Club dans Assemblage Requis sur C'est fou 89. Hein? Ça commence très lentement, c'est du Cœur de Pirate. Hein? Mm. C'est relax. Piano. Hein? Piano. Piano, un petit peu de piano. Un peu de voix. C'est très long avant que ça commence, mais ça sent bien. Oui. Un jour, l'autre. Ah, ben oui, ça sent bien. Cœur de Pirate qui est très joli, soit dit en passant. Bon, mais si tu le dis, je suis bien d'accord avec toi. Oui. Ça paraissait dans tes yeux. Oui. Quand tu parles de Cœur de Pirate, t'as comme des étincelles. Ah, quand même. Et puis, regarde, là, tu touches, la main sur le cœur. Oui. Ouais. Okay. Oh, c'est bon. T'as à peu près doux. Oui. C'est doux comme tes cheveux. Et calme, merci. Ils sont beaux, toi aussi, tes cheveux. Moi, je te complimente une fois de temps en temps. Oh. She'll never fucking know that. These fucking eyes that I'm staring at. Let me see that ass. Look at all this cash. And I've emptied out my cards too. Now I'm fucking leaning on that. Bring your life, baby, I can bring my shame. Bring the drugs, baby, I can bring my pain. I got my heart right here. I got my scars right here. Bring the cups, baby, I can bring the drink. Bring your body, baby, I can bring your fame. That's my motherfucking world too. Just let me motherfucking love you. Listen, I'll give you all I've got. Give me all of this. I mean confidence in myself. Listen, I'll give you all of me. Give me all of it. I need all of it to myself. Oh, so tell me you love me. Only for tonight. Only for tonight. Even though you don't love me. Take you down another level. Got you dancing with the devil. And take a shot of this. But I'm wanting you. I'm on that shit that you can smell, baby. So put down your perfume. Bring your life, baby, I can bring my shame. Bring the drugs, baby, I can bring my pain. I got my heart right here. My scars back here. Bring the cups, baby, I can bring the drink. Bring your body, baby, I can bring your fame. That's my motherfucking word too. So let me motherfucking love you. Listen, I'll give you all I've got. Give me all of this. I mean confidence in myself. Oh. Listen, I'll give you all of me. Give me all of it. I need all of it to myself. I need all of it. So tell me you love me. Only for tonight. Only for tonight. Even though you don't love me. Ça occupe Police Club avec la pièce Kim and Jesse featuring Jamie Jackson de la formation Hot as Sun. Et ça, c'est un remix du groupe M83, la pièce Kim and Jesse de ce groupe-là. Et d'ailleurs, parlons un petit peu de ce projet de covers. Oui. Moi, ça me fascine vraiment beaucoup. C'est un excellent projet de Tokyo Police Club. Ils vont faire 10 pièces, 10 covers pendant 10 jours de suite. D'accord? Ils vont les sortir à des heures précises sur les sites de entertainmentweekly.com et de alternativepress.com, entre autres. Il y a aussi Mashable, Spinner, AV Club et tout et tout. Vous pouvez aller voir, je vais passer l'article sur le blog, mais c'est une par jour, des pièces de différentes années. Ça a commencé le 24 août dernier. Okay. C'est des chansons de 2001 à 2010. Donc c'est ça, c'est Tokyo Police Club et c'est très bon. Et d'ailleurs, ils sont associés avec la compagnie Polaroid. Okay. Les appareils photo et tout. Ils vont sortir une photo prise avec un Polaroid par jour qui va aller avec la pièce, donc une photo par pièce. Et après ça, ils prévoient mettre les 10 pièces ensemble avec des goodies, des petits bonus qui vont vendre comme ça le projet de covers de Tokyo Police Club. Excellente idée. Voilà, donc l'article sur le blog assemblagerequis.com dans les prochaines minutes. Pour l'instant, on va retourner en musique avec une pièce de Matt and Kim sur leur album Sidewalks. Ça va être l'extrait Cameras. Et puis après ça, on va revenir avec le mot de la fin, entre autres. Déjà, première mission terminée. Presque. Il reste à peine une dizaine de minutes à l'émission d'aujourd'hui. Et on reviendra avec le plan de demain. Demain, oui. De demain. What I see, I'm falling in. Malade Kim avec Cameras. Je me suis dit tous les lundis, François, tu sais, les autres radios souvent mettent une pièce, tu sais, qui est tout le temps le lundi. Oui. Tu sais, une chanson qui dit lundi, un lundi, un lundi. Puis tu sais, vendredi, t'as comme Rebecca Black qui fait Friday, Friday, Friday. Hein? Friday night. Ouais, c'est ça, Last Friday Night de chose patente là. Nous, ben, je me suis ressorti un bon vieux souvenir qui peut-être te dira quelque chose pour commencer la semaine. On le mettra au début de l'émission, je pense que ça va fitter mieux. Okay. On se met dedans, attention. Yeah. Hey, refrain. Non, ça me dit rien. C'est quoi, c'est? Ça me dit rien, ça. Le studio. Non, le studio, ça jouait quoi? C'est quoi, ça? T'as la famille? Non, ça me dit rien. Ah! Pensez te rappeler des souvenirs. Le studio avec Bruno Blanchet, Canal Famille. Ah. Au secondaire. Non? Oui, avec Bruno Blanchet. Bruno Blanchet, Guy Jodoin, Stéphane Crête, Hélène Tremblay. Tout des bons. Des personnes très drôles. Bon, merci beaucoup. Voilà pour cette édition d'Assemblage Requis. On se retrouve demain matin à 7h. Évidemment, du lundi au jeudi de 7h à 9h avec François-Olivier Marchand et moi-même Mathieu Plante. Restez sur nos ondes ce soir, entre autres, réanimation à 19h, émission de métal et d'horreur avec le Dr Pendragon. Restez à l'écoute pour le Dîner de con à 11h tout à l'heure avec Danny Janvier et Charles-André Lambert qui vont vous présenter plein d'actualités cocasses et de niaiseries qui ont même pas d'allure. Ça va être bon! Ça va être bon, c'est tout le temps bon. Toujours excellent à 11h tantôt. Et puis retrouver Mathieu Plante au dîner d'accueil pour les nouveaux étudiants ce midi. Au CAPS. Au CAPS. Uniquement pour les nouveaux étudiants. Seulement les nouveaux. Les autres, allez, à voir ailleurs. Ouais. On va se quitter avec une pièce de JPLP. On s'en rappelle, on l'adorait l'année Mauvaise passée. Track. Mauvaise track. C'est ce qui va terminer cette émission d'aujourd'hui. On se retrouve demain matin, 7h. Bonne journée, François. Bye-bye. Bye-bye, les requins. stable.